Les quatre sergents de La Rochelle, par Alphonse Esquiros. Il y a une voix dans le monde qui ne s'apaise jamais, c'est la voix du sang. Depuis Hérode, qui fit trancher la tête de Jean-Baptiste, jusqu'au conseil des prêtres et des anciens du peuple, qui firent mourir Jésus. Cette voix n'a cessé de crier justice contre la justice même, ou du moins contre ce qui en tient lieu sur la terre. Je me promenais un soir dans le cimetière Montparnasse. On était en automne. Les arbres laissaient tomber leurs feuilles et l'humanité s'est dépouillée. Mes pas suivaient un étroit sentier entre des tombes alignées. Mes yeux étaient fatigués d'inscriptions menteuses écrites sur des marbres froids comme les morts recouverts. Des images médiocres, par lesquelles le ciseau s'efforce en vain de redonner une vie à ce qui n'est plus, chargeaient de leur frivole néant l'épouvantable néant de notre nature. J'étais là, j'étais triste. Les ombres du crépuscule gagnaient les noires allées d'ifs et de cyprès. Cette promenade à travers tombes m'avait plongé dans une mélancolie immense en rapport avec ces lieux taciturnes, quand j'aperçus au fond du cimetière une petite élévation de terrain tout à fait découverte et sur laquelle s'élevait la figure fantastique d'un ancien moulin. Je m'approchai. Un des flancs de ce monticule était occupé par des croix de bois déracinées, des pierres tumulaires encore chargées d'inscriptions, et toutes sortes d'objets funèbres qui s'étendaient çà et là. Ce fouillis lugubre promenait d'une saisie récemment faite dans le cimetière du Sud sur le terrain des concessions temporaires. Les morts qui sont, pour ainsi dire, alloyés pour 5 ans, ne tardent guère à se voir, au terme de leur bail, privés de la terre et des ornements qui marquaient aux yeux leur sépulture. Un peu à l'écart de ces dépouilles confuses, ma vue fut attirée par un objet digne d'attention. Un vieux drapeau tricolore, noirci par les hivers et surmonté d'un crêpe, laissait tomber mélancoliquement ses longs plis que le vent agitait de temps en temps. On eût dit un sol pleureur aux couleurs nationales. Des couronnes d'immortels déposées à terre, sans doute par des mains pieuses et fraternelles, s'entassaient à côté d'une pierre brisée. Je lus alors ces mots. Ici reposent Tolleron, Carbonneau et Plénier, mort pour la liberté le 27 juillet 1816. Bory et ses compagnons d'infortune en 1822. Une sueur froide couvrit mon front. J'avais devant moi, sous ce tertre, recouvert d'un peu d'herbe, les débris de ces victimes héroïques dont la mort ensanglanta 2 fois le trône des Bourbons. Le nom populaire des sergents de La Rochelle m'émut jusqu'aux entrailles. Ce souvenir si triste, ce drapeau consterné qui pendait, ces couronnes d'immortels flétries par les pluies, cette pierre, si éloquente dans sa misère et dans son laconisme, le silence particulier au cimetière, la solitude de ces demeures habitées par la mort, tout cela était si lugubre et si poignant que j'en frissonne encore à cette heure. Une pierre et rien de plus. Comment, me dis-je, voilà partout dans ce cimetière des monuments fastueux dont le but est de perpétuer la mémoire d'hommes qui ont mérité l'oubli et l'on n'a pas su trouver un peu de marbre ni un ciseau en faveur de ces braves qui moururent pour une idée. J'avais tort. La fragilité du monument qui consacrait un aussi grand souvenir ajoutait encore à l'effet de la scène. Un ouvrage d'art, quel qu'il fût, eût été sans doute plus goûté du bourgeois que cette pierre grossière et rongée. C'eût été moins tragique. Le seul monument qui convint à la mémoire des 4 sergents de La Rochelle, c'était une médaille. Un grand statuaire vient de l'exécuter. Sur une des 2 faces, l'artiste a reproduit la figure des 4 sergents avec leurs noms, ce sont Pommier, Raoult, Goubin et Bory. Toutes ces têtes respirent une incroyable énergie de caractère. L'autre face de la médaille présente une hache et un billot sanglant, sur lequel la liberté en deuil vient déposer des couronnes. L'artiste a inscrit au-dessus du billot ces mots qui sous-entendent un affreux drame. 21 septembre 1822, à 5 heures du soir. Le tout est signé d'un nom qu'on s'attend à rencontrer sur toutes les œuvres de dévouement et de patriotisme. David, d'Angers. L'art d'écrire en bronze pénètre généralement peu dans les masses. Une statue de 30 pieds est envoyée à une ville de province. Elle n'a guère dès lors pour spectateurs que les habitants de l'endroit, les rares voyageurs qui passent et les oiseaux du ciel. La médaille a au contraire l'avantage d'être un monument en circulation et de mettre une idée dans toutes les mains. Les anciens, par l'usage fréquent qu'ils en ont fait, montre bien quelle importance ils attachent à cette forme de sculpture réduite. Les médailles antiques composent, pour ainsi dire, la monnaie de l'histoire. C'est l'ubiquité du livre, transporté à l'art sculptural et uni à la solidité de la matière. Il était bon qu'une main magistrale imprimât chez nous, à cet ouvrage d'art, le caractère de sa supériorité. L'histoire des quatre sergents exécutés en place de Grève sous la Restauration est courte et pathétique. Quelques sous-officiers d'un régiment de ligne voient avec un chagrin profond les humiliations et les cicatrices de leur pays. Les événements de 1814 pèsent sur leur cœur français. Soldats, ils regrettent ces jours de hasard et de danger qui ont fait place aux mornes bienfaits d'une paix soumise. Ils étaient à la gloire avant d'être à la honte. Leur mécontentement sourd remonte jusqu'à cette dynastie caduque qui avait profité de leur revers pour s'imposer de nouveau à la France. C'était Louis XVIII qui régnait. Quand les cœurs battent pour le même sentiment généreux, ils ne tardent guère à se rencontrer. Ses sous-officiers, hostiles au gouvernement d'alors, se reconnaissent, s'unissent, voilà désormais des mains qui se touchent. Vienne une circonstance favorable, ces mains agiront de concert et entraîneront le régiment, peut-être l'armée tout entière dans la lutte. À leur tête se place un homme vraiment supérieur, Jean Bory. Déjà, des mouvements avaient lieu dans le midi de la France. Bory ne négligea rien pour affilier sa bande aux sociétés secrètes qui commençaient à se former et pour attacher ses projets d'action à la tentative du général Berton qui méditait un coup de main dans les environs de Niort. Malheureusement, le général échoua. Les projets de nos généreux sergents s'éventèrent. La police, cet argus moderne, pénétra avec tous ses yeux dans les ténèbres d'un complot courageusement mais imprudemment ourdi. S'en fut des rêves de liberté. Nos infortunés se réveillèrent dans un cachot. En conspirant, ils avaient dévoué leur tête. Ils surent la porter dignement devant une cour d'assises. On trouva 12 jurés pour condamner ces braves. Un homme, dont il faut que le nom passe à la postérité, car le silence et l'oubli sont des punitions trop douces pour des actes de cette nature, Marchangy osa porter la parole contre les accusés avec une ardeur et une habileté satanique, dont les ultra-royalistes de cette époque lui surent gré. La sentence était inévitable. Elle fut prononcée à 1 heure du matin dans cette longue et froide salle de la cour d'assises qui éclairait çà et là quelques ternes bougies. Le banc où les accusés étaient assis plongeait dans l'obscurité. C'était comme une image des ténèbres qui allait s'étendre sur quelques-uns d'eux pour jamais. 4 accusés se trouvèrent plus engagés que les autres dans le complot. C'était Bory, Raoult, Goubin et Pommier. Ils eurent l'honneur d'être condamnés à la peine de mort. Les autres, moins compromis, sauvèrent leur tête, mais ils n'évitèrent pas la prison. La séparation fut déchirante, elle devait être éternelle. On s'attendait à ce que le roi ferait grâce. La grâce ne vint pas. Le jour du supplice arriva. Les 4 sergents suivirent les apprêts avec une magnanimité stoïque. Bory sérieux et calme, Pommier indifférent, Raoult résigné, Goubin toujours gai et plaisant, même envers la mort, chacun d'eux vit le moment suprême avec ce caractère qui leur était propre, mais tous avec une fermeté inébranlable. La toilette des condamnés était achevée. L'heure marquée pour le supplice avait sonné, et rien ne remuait encore. On dut croire que la clémence royale était fléchie. Peut-être même les héroïques victimes partagèrent-elles un instant cet espoir qui ne quitte jamais le cœur de l'homme. Erreur trop séduisante, tu allais bientôt t'évanouir. Ce retard n'avait pas d'autre motif que le désir d'arracher aux patients des révélations. À ce mot, leur cœur généreux frémit. Nous n'avons rien à dire. Ce fut toute leur réponse et ils montèrent chacun dans une charrette. Le lugubre cortège sortit enfin de la conciergerie. Les quais étaient couverts de monde. Il y avait aux fenêtres des femmes qui regardaient ces pauvres jeunes gens et qui pleuraient. Les mouchoirs s'agitaient dans la foule. 1000 regards sympathiques semblaient leur dire un triste et dernier adieu. Ceux-là seuls, qui devaient mourir, étaient calmes. Les démonstrations muettes de cette foule émue n'arrivaient d'ailleurs aux condamnés qu'à travers une forêt de baïonnettes. Jamais on n'avait vu un pareil déploiement de force. Presque toute la garnison était sous les armes et disposée en haies doubles sur le chemin du palais de justice à l'échafaud. On voulait donner à l'armée ce qu'on nomme, dans le langage des cours, un exemple. Quel spectacle à fendre le cœur que de voir, au milieu de tous ces uniformes, les quatre Fatlal Charette passer. Le bourg lui-même se sentait attendri. Nous n'inventons rien. Si le peuple pouvait renverser cela, disait-il tout bas à ses aides en leur montrant l'horrible machine qui tremblait sous les pas de toute cette foule. Il était 5 heures du soir. Le cortège s'arrêta devant l'hôtel de ville. C'était là. Raoult descendit le premier et demanda à embrasser ses compagnons. Ils s'embrassèrent tous, en effet, au pied de l'échafaud. Tendre et sublime étreinte qui devait féconder pour plus tard le sentiment national. Cela fait, ils montèrent hardiment chacun à son tour les degrés de la guillotine. « Vive la liberté !» Ce fut le dernier cri de Raoult, et sa tête tomba. Houbin et Pommier, qui le suivirent, moururent de même, sans peur. Bory, arrivé le dernier au terme du supplice, crie à la foule qui l'entourait. « Rappelez-vous que c'est le sang de vos fils que l'on fait couler aujourd'hui. » Et tout fut dit. Le soir même de cette journée lamentable, il y eut bal à la cour chez la duchesse d'Angoulême. Les carrosses qui se rendaient aux Tuileries rencontrèrent les quatre charrettes qui allaient à la place de Grève. Des femmes vêtues de toilettes folles mirent la tête à la portière de leur voiture en demandant ce qu'il y avait et pourquoi tout ce monde. On dansa toute la nuit. Les peuples ont leur lendemain. « Rappelez-vous, avait dit Bory à un de ses amis, que plus tard vous aurez à nous venger, car la cause pour laquelle nous allons mourir ne peut manquer à triompher. » Cette cause triompha en effet le 28 juillet 1830. Ce jour-là, le canon tonna sur la place de Grève, la fusillade lui répondit. La lutte fut terrible mais décisive. La couronne du successeur de Louis XVIII se brisa sur ces mêmes pavés qui avaient vu tomber la tête des quatre sergents. Le sang effaça le sang. La guillotine n'osa plus se dresser à l'avenir dans ces lieux, consacrés par la mémoire des martyrs de la liberté. Ah, vous croyez consolider votre trône sur une base étrangère en condamnant à périr par l'échafaud des soldats que Napoléon conduisait du moins à la gloire. C'est bien, faites. 20 ans après, votre pouvoir néfaste sera brisé. Dans 20 ans, il se rencontrera un artiste de cœur qui ramassera un peu de terre et qui, de cette terre pétrie entre ses doigts puissants, fera sortir un monument éternel à la mémoire de vos victimes. Les sergents de La Rochelle sont 2 fois vengés, vengés par la révolution de 1830 et par la main de David. La médaille est un chef-d'œuvre d'expression, noble privilège des grands maîtres. Ils se souviennent, et en se souvenant, ils gravent leur sympathie dans la mémoire de l'humanité. Le nom des 4 sergents de La Rochelle ne périra plus. La sculpture est un art sévère. Ne faudrait-il pas mieux rattacher cet art aux grandes actions, aux grandes idées, qu'aux légères fantaisies d'une sensualité aimable? Nous estimons autant qu'un autre ces rêves de marbre où la beauté se montre à nous comme à travers un nuage solide, avec ses grâces molles et provocantes. Mais est-ce bien là l'esprit de la sculpture? Disons mieux, est-ce là de la statuaire française? Laissons à l'Italie ses Canova. La sculpture de notre terre gauloise, c'est la sculpture du Puget, le cri de l'âme, le cri du muscle. Voilà ce que le ciseau français doit traduire sur le marbre. Où nous aimons le grand art de Prométhée, c'est quand il ravit le feu au ciel, l'amour de la liberté au cœur de l'homme, le sentiment maternel au sein de la femme. C'est quand il tord des nerfs de bronze pour en tirer l'accent de l'enthousiasme et du dévouement. Le beau idéal de la statuaire, c'est le devoir héroïque. Il s'est formé depuis ces derniers temps, dans les nuages de l'école romantique, cette grande école, je ne sais quelle littérature de corruption, je ne sais quelle critique niaisement ennemie du beau, du sérieux, de l'honnête, qui repousse toute idée dans les arts, tout sentiment dans la forme. L'intention morale dans les œuvres de la pensée la fait sourire. Elle ne produit rien, elle n'aime rien, elle ne croit à rien. Réfugiée dans les jouissances matérielles et grossières, elle goûte les statues et les tableaux, comme elle goûte le vin. Il faut que cela ait du bouc et voilà tout. Plaignons ces tristes esprits blasés, revenons-en pour notre compte au culte des splendeurs éternelles qui valent seules la peine de nous attacher à la vie. L'art n'est vraiment digne de l'homme que par l'aspiration aux grandes choses. La sculpture de mouvement et d'expression qui vient du peuple et qui va au peuple, voilà, selon nous, la sculpture de l'avenir. c'était « Les quatre sergents de La Rochelle » par Alphonse Esquiros.